Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 10 novembre 2021. Voici les grands titres de cette grande édition. Deux personnes sont mortes, trois autres blessées, dont un grièvement, une autre capturée. Voilà le bilan d'une opération de démantèlement d'un groupe d'hommes armés menée ce mercredi matin en commune Matongo de la province Kayanza. Et de jeunes filles et mères, dont l'âge est compris entre 14 et 16 ans, de la commune Bukinanyana en province Cibitoke, mènent une vie précaire. L'administration est consciente de la situation et promet d'éradiquer le phénomène de grossesse non désirée. C'est un reportage que vous allez suivre dans ce journal. Et le Burundi devrait investir dans le financement des énergies propres au lieu de miser sur des réunions internationales sur le changement climatique dont les pays industrialisés profitent pour leur stratégie géopolitique. C'est l'analyse d'un environnementaliste que vous suivez également tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Deux personnes mortes, une autre grièvement blessée, une autre capturée. C'est le bilan d'un démantèlement d'un groupe terroriste, selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Une opération faite par les forces de l'ordre ce mercredi matin en commune Matongo de la province Kayanza. L'on déplore aussi un administratif et un policier blessé par une grenade lancée par le groupe lors du contact. Le gouverneur de cette province, le colonel Rémi Chishahayo, fait savoir qu'il s'agit d'un groupe d'hommes armés qui voulait perturber la sécurité dans cette localité qui était recherchée depuis dimanche. Il appelle sa population à toujours dénoncer toute source d'insécurité et à collaborer avec les comités mixtes de sécurité. Le code burundais de l'environnement a été révisé pour s'adapter aux changements en matière de protection de l'environnement. C'est une déclaration du directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement qui précise que l'ancien code était lacunaire. Ce dernier, qui date de 2000, ne précisait pas le rôle de l'administration dans la protection de l'environnement, ni la provenance des fonds y relatifs. Le directeur général de l'OBP, Berkman Saint-Ungimana, indique que son office s'active pour mettre en place les textes d'application. On l'écoute et ses propos ont été recueillis par Moïse Misago. Le code de l'environnement qui vient d'être révisé date de 2000. Après 20 ans d'existence, il y a eu beaucoup de changements en matière de protection de l'environnement. Vous avez vu, mais aussi il y a donc des phénomènes qui, jadis, n'étaient pas observés, mais qui, pour le moment, sont observés. C'est la raison pour laquelle on a songé donc à réviser donc le code de l'environnement. Et parmi les lacunes pour le premier code, il y avait les principes modernes de base registrant la gestion de l'environnement qui faisaient défaut. Principes de prévention, principes de précaution, principes du pollueur payeur, le principe du développement durable, ainsi que la place de l'administration provinciale, communale, territoriale, ainsi que la société civile, donc on n'était pas bien mentionné. Il y avait aussi donc les dispositions en rapport avec les procédures d'état d'impact environnemental et social qui ne s'accommodent pas avec les pratiques mondiales actuelles. Il y avait aussi l'absence des dispositions en rapport avec la prévention, la réparation de certains dommages causés par l'environnement. Il y avait aussi donc l'absence des dispositions en rapport avec la lutte contre les changements climatiques, la prévention des risques et catastrophes naturelles, comme vous l'avez remarqué, ce qui s'est passé à Katunguru, à Nyeruhongo, ainsi que très récemment à Gatumba. Il y avait aussi le grand défi qui est le manque de financement donc, du secteur donc de l'environnement. Ce sont donc toutes ces dispositions qui ont fait que le code soit revu pour qu'il puisse s'accommoder avec la situation actuelle du pays ainsi que la situation actuelle du monde entier. Pour le nouveau code, on a bien mentionné donc les mécanismes de financement du secteur de l'environnement. Il y a donc des financements que le gouvernement, l'État, mettent donc à la disposition de la politique de l'environnement. Aussi, les partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans le domaine de l'environnement. Aussi, pour que le code de l'environnement puisse être opérationnel, sommes en train donc d'élaborer les textes d'application qui vont nous permettre bien d'appliquer le nouveau code de l'environnement. Et le Burundi ne peut pas s'attendre à quelque chose d'assez important de la COP26, analyse l'environnementaliste Elias Niyongabo. Il estime que cette réunion s'est transformée en un forum de stratégie géopolitique pour les pays industrialisés. Elias Niyongabo indique que le Burundi devrait investir dans le financement des énergies propres pour tirer profit du fonds destiné à financer les projets des pays en voie de développement. On l'écoute. Il est vraiment difficile qu'un pays comme le Burundi, un pays qui est pauvre, s'attende à quelque chose d'assez important au sortir de cette COP. En effet, au lieu de traiter effectivement des questions relatives aux racines des changements climatiques dans ces fonds, il me semble que plutôt la COP se transformait en une réunion des stratégies géopolitiques pour permettre aux pays industrialisés de continuer à s'industrialiser. On faisait fi de ce que cela apporte comme changement climatique. Par exemple, vous avez entendu que cette convention pour réduire le financement des énergies fossiles a été signée, mais que des pays de loin importants dans les émissions des gaz à effet de serre en provenance des énergies fossiles, comme les États-Unis, comme la Chine et même la France, ont tourné le dos à cette convention. Je proposerais que le Burundi apporte dans ce fond deux grands projets. Un premier projet, c'est un projet qui concerne le financement des énergies propres. Je parle ici des énergies qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et deuxièmement, le projet que le pays peut apporter, c'est un projet qui permettrait au pays, un pays essentiellement agricole, d'augmenter considérablement le carbone des sols arables. En fait, le niveau de carbone dans nos sols est d'environ 3-4%, alors qu'il est possible que ce niveau passe de 6-7%. Et cela pourrait permettre au pays de séquestrer plus ou moins un gigatonne de carbone. De l'environnement, on passe aux infrastructures. Beaucoup de nids de poules qui s'agrandissent au jour le jour jonchent certaines rues de la capitale économique, Bujumbura, et perturbent la circulation routière. Et c'est notamment au boulevard de l'Uprona, à l'avenue de la RDC, à la jonction du boulevard de l'Uprona et de l'avenue Muyinga, ainsi qu'à la chaussée Prince-Louis-Rwagasore. Et certains propriétaires de véhicules se plaignent que leurs véhicules sont endommagés. Il demande à ceux qui creusent ces trous de réparer cela après leurs travaux. Reportage, Arthur Kavaouchi. Le premier endroit où nous sommes passés, c'est à l'avenue de la RDC, tout près de l'école indépendante, à la jonction avec le boulevard de l'Uprona. Là-bas, il y a un trou très épais. En empruntant le boulevard de l'Uprona vers l'ancien bureau du président de la République, il y a également un trou qui n'occupe pas toute la route, ce qui perturbe la circulation et les véhicules risquent de se cogner en voulant éviter ce trou. Un des chauffeurs de taxi indique que ces trous leur causent des problèmes comme des accidents et des pièces qui sont endommagées. Ceux qui créent ces trous ne les bougent pas convenablement. Tant que si un véhicule y passe, beaucoup de pièces sont endommagées. Par exemple, il y a une femme qui a fait passer son véhicule et l'a cogné des enfants. Beaucoup de pneus sont crevés, donc c'est beaucoup de conséquences pour les véhicules. Dans la ville de Bujumbura, les rues qui contiennent ces trous sont visibles également à l'avenue Muyinga, tout près de l'église des Témoins de Jéhovah, à la jonction avec le boulevard de l'Uprona. Là-bas, il y a un trou qui s'agrandit progressivement et même les véhicules qui y passent doivent ralentir. Un autre endroit où nous sommes passés, c'est à la chaussée du Prince Louis Rwagasore, tout près de l'INSS, où il y a un trou qui s'étale sur toute la route. Ce conducteur de véhicule demande au gouvernement de boucher ces trous après de probables travaux. Nous demandons au gouvernement qu'après de probables travaux, que ces trous soient bien bouchés. Nous n'avons pas encore eu la réaction du directeur général de l'agence routière du Burundi. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. Les femmes exerçant le petit commerce transfrontalier contribuent à la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Témoignage de Godlive Manirakiza, représentante légale de l'Association des femmes rapatriées au Burundi. Elle s'exprimait lors d'une formation ce mardi en province Cibitoke à l'intention des acteurs de divers secteurs impliqués dans le commerce transfrontalier. Certaines femmes exerçant ce commerce réclament la réouverture de la frontière entre le Burundi et le Rwanda du côté de la Roua. Le point avec Medar Niyohuru. L'association des femmes rapatriées au Burundi, dans son projet Mupaka Chambaletu, organise une formation sur l'intégration du Burundi dans la communauté est-africaine et la gestion des frontières à Réunik. Olivier Bigirimana, qui suit de près les femmes exerçant le petit commerce transfrontalier, apprécie positivement cette formation et promet de bien accompagner ces femmes. Auparavant, on ne savait pas de quoi s'agit-il, donc comment ils fonctionnent, comment ils travaillent en quelques mots. Mais pour le moment, nous sommes très contents parce que cette formation, bien au point nommé, ça va nous faciliter dans notre travail quotidien. Malgré les bienfaits de la frontière à arrêt unique, cette femme demande la réouverture de la frontière entre le Burundi et le Rwanda côté Ruwa pour que les relations des populations de ces deux pays redeviennent à la normale. Nous, petits peuples, demandons au gouvernement de nos deux pays de s'asseoir ensemble et renouer les relations comme avant pour que tout Burundais ou Rwandais rentre et sort dans nos deux pays sans difficulté. Nous demandons encore une fois que la carte nationale d'identité soit pour nous un document qui nous facilite les entrées et sorties. Rugombo et Bugarama sont des frères, on n'a pas besoin de passeport ou laisser passer. Godelive Manirakiza, représentante légale de l'Association des femmes rapatriées au Burundi, exprime que les acteurs de divers secteurs impliqués dans le commerce transfrontalier contribuent sans cesse à la consolidation de la paix. Et les policiers, les agents de santé et l'administration sont des entités qui facilitent aussi le mouvement des gens qui traversent de part et d'autre des frontières et en insistant sur le petit commerce transfrontalier qui préoccupe beaucoup les femmes qui le pratiquent. Alors, on a voulu aussi les rappeler pour qu'ils continuent à sauvegarder la paix et la sécurité aux frontières. Le projet Mupaka Chambaletu en province Cibitoke, l'association des femmes rapatriées au Burundi Afrabou, accompagne 100 femmes exerçant le petit commerce transfrontalier. Merci Médard. Et les victimes de violences faites aux femmes et filles doivent dénoncer ces crimes pour avoir une assistance adéquate. C'est l'appel de Godelive Manirakiza, présidente de l'Association des femmes rapatriées de Burundi, dans le contexte où le pays se prépare à la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles. Elle interpelle tout en chacun, les hommes y compris, à faire leur cette lutte contre les violences faites aux femmes et filles. On est dans la période après 16 jours d'activisme. C'est une campagne qui commence le 25 novembre et se termine le 10 décembre de chaque année. Le thème qui dit « Agissons immédiatement », c'est un thème qui interpelle toute personne, hommes et femmes, à faire des efforts pour agir ensemble, pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. J'interpelle alors les femmes et les filles de ne plus cacher des cas pareils. Si des violences sont faites, qu'elles dénoncent ces cas de violence et que les personnes ou les institutions ou les associations qui sont impliquées dans l'accompagnement ou dans l'aide à ces victimes le sachent. Aux hommes, j'ai aussi un mot à dire. Ces femmes et filles sont leurs sœurs, sont les mamans, sont les sœurs. Alors, si ces personnes sont violées, subissent des violences, régulièrement, il faut que ces hommes soient sensibles pour qu'eux aussi puissent contribuer dans la protection de leurs sœurs, enfants et mères. Il y a des avancées, il y a la loi primaire et les violences de tout genre, mais il faut que cette loi soit bien appliquée, que cette loi puisse vraiment amener des solutions et des réparations à ces femmes, à ces filles victimes de violences basées sur le genre, que la loi soit appliquée convenablement. Je vous l'avais dit dans les titres des filles et mères dont l'âge est compris entre 14 et 16 ans de la commune de Wukinanyana en province Cibitoke mènent une vie précaire. Elles disent qu'elles ne parviennent pas seules à nourrir leurs enfants, leurs partenaires les ayant abandonnés. Christian Ourikiye, administrateur de cette commune, reconnaît l'existence de ces cas de grossesse non désirée et déclare que l'administration s'active pour éradiquer ce phénomène. Lydie Gahimbari. L'abandon scolaire n'est pas le seul problème que rencontrent les filles et mères en commune burkinayenne. Elles font face à d'autres difficultés comme l'habillement pour leurs enfants. Certaines filles racontent qu'elles sont tombées enceintes depuis leur bas âge. J'étais à l'école fondamentale en 5e année. Je suis tombée enceinte à l'âge de 14 ans. Mon partenaire m'a quittée après avoir eu l'information sur ma grossesse. Ces filles et mères déplorent également une vie précaire qu'elles mènent pour assurer leur vie. Zeyman Alphonsine, point focal de la Fédération nationale et des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, en commune Burkinayenne, suit de près ce problème, dit-elle. L'administration communale de Burkinayenne dit être au courant de ce phénomène. Christian Mulkié ajoute qu'il collabore avec d'autres instances pour éradiquer ce phénomène. Je suis en train de faire des réunions avec les comités mixtes de sécurité et les OPJ pour éradiquer ce genre de comportement. Et ce que je dirais à toute la population de la commune de Burkinayenne, c'est d'éviter de faire des arrangements amiables. Parce que s'ils font des arrangements amiables, et ça devient un problème pour nos enfants, ça deviendra également un problème pour nos petits-enfants. 25 cas de grossesse non désirée ont été enregistrés l'année passée. Les données issues du point focal de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi en commune Burkinayenne. Lydie Gahimbare est en actualité internationale. En bref, avant la chronique sur les messages de haine, au moins une vingtaine d'employés éthiopiens d'agences des Nations Unies ont été arrêtés à Addis Abeba par les autorités éthiopiennes, selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, qui s'est adressé à la presse ce mardi depuis le siège de l'ONU à New York. 6 d'entre eux ont été libérés selon l'ONU, mais 16 sont restés en détention dans la capitale d'Éthiopie. Ces arrestations ont lieu alors qu'un état d'urgence est en place dans le pays depuis une semaine et que le gouvernement a appelé la population à dénoncer les espions. Parle, rassure-moi. Dans cette chronique Parle, rassure-moi, nous parlons de l'impact du discours rassembleur. Selon Lambert Hakouzi-Eremier, socio-anthropologue, le discours rassembleur est celui qui appelle les gens d'une communauté à vivre en cohésion. Obenyonguru. Le discours rassembleur est celui qui appelle les membres d'une communauté à surpasser leurs divisions pour vivre en harmonie. Les explications sont de la mère Agoudziaremi. Pour comprendre ce genre de discours, il faut l'envisager dans le sens contraire des discours qui propagent la haine. Donc, au lieu de propager la haine, le discours rassembleur, c'est un discours qui invite les gens à coopérer, à vivre dans l'harmonie et surtout à dépasser les différentes divisions et surtout dans les sociétés post-conflit comme notre société. Donc c'est un discours qui est nécessaire pour pouvoir dépasser et surtout les divisions, que ce soit ethniques ou politiques, qui ont longtemps caractérisé notre société. Selon ce socio-anthropologue, l'impact de ce discours dans la lutte contre les messages de haine est positif du moment que ce discours interpelle les gens à vivre en harmonie. L'impact est positif du moment où c'est un discours qui invite les citoyens à cohabiter pacifiquement et surtout à développer un langage qui vise à montrer que tous les Burundais sont des citoyens qui ont le sentiment de vivre ensemble et surtout de vivre en état-nation, sans que personne ne se considère pas comme exclu d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un discours qui, chaque fois, essaie de montrer aux gens que l'intérêt pour tout le monde, c'est de vivre une société qui considère tous les individus sur le même plan et surtout qui empêche toute division de nature qu'elle soit. Pour ceux à qui le message rassembleur est adressé, il leur conseille à imiter de tels discours pour éviter des divisions. C'est toujours de penser, de réfléchir avant de prononcer n'importe quel discours et surtout revenir chaque fois sur ce genre de discours, des discours qui rassemblent, un discours qui transcende avec les divisions ou un discours qui ne vise pas à inciter les gens à la haine, aux leaders qui souvent prennent des discours à des occasions où il y a un nombre important des individus, de toujours prononcer un discours qui vise la cohésion, qui vise l'unification de tous les Burundais. Lambert Akudziaremye en appelle aux leaders à adopter ce discours qui, selon lui, permet d'ailleurs d'éviter le concept de « nous bons » et « eux mauvais » qui est souvent à l'origine des violences de masse. Merci Aubin. Niyonguru ainsi se referme ce journal. Il est 13h16 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Eli Kadogo. Micro Jean Bosco. Ndouimana, passez un très bon après-midi.